Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le Rock for Show 89e émission depuis notre changement d'antenne. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Biz, Radio-Québec.biz et à toute la France, métropole et puis tout le monde. Ce soir, nous recevons un groupe que nous aimons bien. On vous en parlera vers 20h par là. Les initiales du groupe s'appellent OLS. Je pense que vous avez tous deviné de qui il s'agissait. Ils ont joué au Paris Metal France Festival pour certains musiciens. C'était la troisième fois qu'ils y jouaient. Et puis, on va en parler. On va parler du nouvel album qui vient tout juste de sortir. Et on va parler aussi de leur date à Paris. On va parler de plein de choses. Pour l'instant, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé. Avant tout ça, je vais dire bonjour à Monsieur Tom. Ouais. Et un bug. Tu m'entends? Bah moi je t'entends, ouais. Petit bug. Voilà, ça commence. La femme de ménage elle est passée, elle a foutu le bordel. Commence, ouais, ça mais commence. On changera femme de ménage. Bon alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, tout va bien, hein. Bon. Oui, tout va mieux. Voilà. Bon. La femme de ménage a donné trop, trop appuyé sur le bouton. Bon, tu dis bonjour aux auditeurs ou pas? Bonjour auditeurs, voilà. Bonjour Radio-Québec.biz et bon courage avec les intempéries que vous subissez là-bas à Québec. Ah oui, c'est vrai. Oui. Mm-hmm. Je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir faire émission là-bas? Bah on va y aller à la rame. Hein, c'est un peu ce que tu fais ce soir, tu rames un peu. Avec deux rames, ouais, ça va. Il en faudrait 4 ou 8, même, serait bien. Allez, on a commencé cette émission avec The Night Flight Orchestra. Et le morceau, c'était Midnight Flyer. L'album s'appelle Ember Galactic. Et c'est sorti chez Nuclear Blast. Enfin, ça va sortir chez Nuclear Blast le 19 mai. C'est le premier album du groupe. Il contient 12 titres. Ils sont suédois. Et on retrouve. Des membres de Soulwork et de Arch Enemy à l'intérieur. Donc vous avez vu, c'est un peu différent quand même de ce qu'ils font d'ordinaire. C'est un sextet de classico heavy progressif, on va dire. Et ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle The Butcher's Rodeo et ils seront en concert. L'album sorti chez Atom, bien entendu, en 2016. Ils sont en concert, on est le combien aujourd'hui? On est le 11. Et bien donc ça devrait être mercredi, c'est ça? Le 15? Ouais, parce que demain le 12 tu sors. Non, ils seront en concert donc le 15 à Paris au Bateau Phare. Ils seront pas tout seuls, hein, puisqu'ils seront avec Super Tanker et Showtime. Alors c'est marrant parce que ça fait quand même. Trois styles un peu différents, surtout Showtime, groupe de glam. Enfin bon, on vous enjoint à aller voir les groupes en concert, car c'est là qu'il faut découvrir la musique et acheter leur CD, n'oubliez pas. Nous allons continuer avec des nouveautés, des choses qui vont pas sortir tout de suite, notamment pour celle-ci, puisqu'elle sortira que le 9 juin. Le groupe est italien, il s'appelle White Cure, avec une charmante chanteuse. Leur album s'appelle Will of the Strong et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom, ce soir se nomme Antidote. De quoi? Non, on trouve. Ah oui, Shane Maiden. Mais non, mais je suis à côté de la plaque. Merde. Shane Maiden, oui, merde. Je suis à côté, vas-y. Donnez-lui vite des petits cachets. Vas-y, fais, t'as raison. Alors ça s'appelle Shield Maiden. Shane Maiden, sortie de l'album White of the Strong. Merci. C'est Dragon Earth Record. Allez, label. Il se rattrape. Le 9 juin, ça sortira parce que c'est pas encore sorti. Ouais, et c'est le combienième album? Là, faut que j'aille sur une autre feuille. Dixième album, il compose 12 titres. Voilà. Et c'est d'Irital. Ouais, quintette de power metal à voix féminine, comme je vous l'ai dit. Et le groupe s'est formé en 1988, ce qui n'est pas tout jeune, mais c'est dans les vieux groupes qu'on fait la meilleure soupe. Ah d'ailleurs, faudra que tu nous remettes, parce que là, tu es en train de le mettre là en fond sonore. Et c'est pas non. Bien. C'est pas bien. Si, c'est White Skull qu'on a en fond sonore. Voilà, je reconnais bien plus. La voix. Non, là, tu l'as plus, regarde. Nous enchaînerons ensuite avec un autre groupe suédois qui s'appelle Dream Evil. L'album s'appelle Six, tout simplement parce que ça doit être leur sixième album. Et le titre que l'on va écouter, mon cher, c'est à toi là maintenant. C'est bien le bon nom. Ah, c'est celui-là, Antidote. Voilà, bravo, là, j'ai chopé l'Antidote. Bravo. Allez, on te l'accorde celui-ci. Ça sort chez Century Media le 26 mai. C'est leur sixième album, il contient 12 titres, ils font du heavy metal. Le groupe s'est formé en 1999 à Göteborg. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe canadien. Cobra and the Lotus. Exactement. Tiré de leur tout prochain album où il est sorti l'album. Non, il est sorti le 12. Non, il sort demain. Demain. Ouais, chez Napalm. Qui s'appelle Prevails One. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Chick Check the Firg. Et c'est un instrumental. Alors, il faudra savoir ce que c'est que le Firg. Tiens, d'ailleurs, on va faire un concours. Que veut dire Firg? P-H-Y-R-G. Pour nos auditeurs, au 06 81 01 28 34. Voilà, vous envoyez un petit SMS. Donc ça sort demain chez Napalm Records. C'est leur quatrième album. Il contient 10 titres. Ils nous viennent donc du Canada, de Calgary. C'est un quintet de heavy metal, très mainstream quand même, par contre, pour le coup. Et le groupe s'est formé en 2009. Et nous terminerons cette première entremise musicale avec The Monolith Death Cult, tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Versus One. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Seven Months. Et leur dernier album sortira le 19 mai. Hein. Oui, Seven Months of Mysticum. Mysticum, excusez-moi. Et ça sort chez Hammer Earth Records. Et c'est le sixième album. Le groupe s'est formé en 2002. Ils nous viennent de Hollande. C'est un quatuor de brutal death metal. Alors il faut savoir que ce dernier album est un concept album sur la face occulte du nazisme. Oula, tout un programme. On rappelle le numéro de téléphone, mon cher Tom. 06 81 01 28 34. Voilà, et vous nous donnez la signification de Firg, P-H-Y-R-G. Allez, musique. It's my life. gods whom he hath not known. De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 pour la France, 13h30, 15h30 pour le Québec. Et c'est Montréal. Ça les horaires, maintenant je sais jamais les horaires. Là-bas. Non, c'est ça, je les ai maintenant, c'est mais les bons. Heureusement, heures, on va saluer Hugo, Eric. Donc il est 14h là-bas. Il est 14h. C'est tout juste 20h. Ah oui, c'est vrai, maintenant elle est là-bas la pendule. Et tu regardes tout droit. Et chez nous, il est 20h. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec quoi? On a écouté Rascal, Dream Evil, Cobra and the Lotus, et on a fini avec on peut citer. Ouais, The Monolith Death Cult. Ouais, on peut citer, même si on n'a pas trop aimé, parce qu'il y en a qui ont... C'est un peu... Dans l'assemblée, il y en a qui... Ça ressemblait un petit peu à des travaux sur le RERB de la semaine dernière. Hein, c'était un peu ça. Quand ils essayaient de remettre la rupture de caténaire, ils n'y arrivaient pas. Ou alors quand ils ont essayé de faire sauter le bloc de pierre qui était tombé sur les rails. Ça ressemblait un peu à ça. Hein. Mais sachez quand même que c'était un texte très important, voilà, c'est un concept album, hein, The Monolith Death Cult, le tout dernier. Et c'est sur la face occulte du nazi. J'espère que vous avez compris les paroles. J'espère. D'ailleurs, on fait une interrogation à la fin de l'émission. Ouais, moi, j'aurais dit la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, le temps d'assimiler. Alors là, par contre, vous avez tout en mélodie. C'est Napalm Death. Surtout qu'il sort que la semaine prochaine, donc ils ont le temps de. Ah, l'album de The Monolith Death Cult. Même, j'étais déjà passé à Napalm Death là. Ah, ben là, c'est pareil. Alors, Napalm Death, c'est du grindcore, hein, bien évidemment. Sorti chez Nuclear Blast, c'était en 2015, tiré de l'album Apex Predator. Alors, tout un programme Easy Meat. Ok, ils seront en concert, mon cher Tom. Mais justement, je me disais, mais pourquoi on les a, mais... Bah, c'est pour ça, parce qu'ils seront en concert c'est de samedi. C'est ce samedi ? C'est ce samedi, c'est le 13. Cool. Le 13. Et ce sera au Glazart, oui, voilà, avec Lockup, Power Trip et Brugeria. Brugeria, exactement. On les a passés il y a quelques semaines, ça. La semaine dernière, on les a passés. Avec on a le Metal Orgy Festival. Voilà. Exactement. On va enchaîner avec un autre groupe canadien, puisque on est retransmis là-bas, alors on passe des groupes canadiens. Ça s'appelle Carcaos. Moi, j'ai trouvé ça tout simplement pas mal du tout, tiré de leur album Children of the Veil, qui sortira le 26 mai. Et le morceau que je vous ai choisi s'appelle Sky Master. Pourquoi j'ai choisi Sky Master? Je pense que c'était en relation avec un célèbre groupe qui est aujourd'hui dans les studios. Et je crois que à ma gauche, j'ai un monsieur. J'ai un sacré master qui s'appelle Sky. Bonsoir à toi, Sky. Tu peux parler dans le micro quand t'auras vidé ta bouche. Voilà. Donc Sky, chanteur de One Last Shot. Et de l'autre côté, à ma droite, qui ai-je qui pèse... Pose ta voix, Phil. Qui pèse 60 kilos tout mouillé. Pose ta voix, parce que quand tu cries, il y a des auditeurs, ils se font mal aux oreilles. Alors, qui pèse 60 kilos tout mouillé Voilà, ça, c'est cool, ça. Non, tu plus que ça? Remarque, avec ce que tu bouffes, ouais. Allez, 70, 75, 76? Allez, 70, ça lui pèse 70. Ça, c'est quand il a pas la guitare. Hein. Quand il a la guitare, il pèse vachement plus lourd. C'est les riffs, hein. Il a des riffs plombés, alors je vous explique pas. Alors, ça dépend aussi, des fois, il pèse un peu moins lourd. Notamment au Dr. Feelgood, la dernière fois, il pesait un petit peu moins lourd. Hein. Allez, on reparle avec One Last Shot dans quelques instants, puisqu'on va passer un titre. Mais pour l'instant, on s'attarde sur Carcaos avec leur titre Skymaster. C'est une autoproduction. Ils nous viennent de Montréal. On salue tous les Montréalais. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est ça, les Montréalais, on dit? Bon, ils sont pas beaux alors s'ils sont laids. T'as tout compris. Ah, ouais, et le groupe s'est formé en 2009. C'est moche. C'est moche. Et c'est leur deuxième album qui contient 12 titres, bien évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire? Y a une voix féminine dessus et c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je crois que c'est à peu près tout les concernant. Sauf que, ils seront en concert le 26 mai pour la sortie de leur album. Avec Pronostic, avec un K, et No One Dead. Et puis il y a un autre groupe aussi qui s'appelle VMAT. Et ce sera, bah, je sais pas. Donc vous regardez partout où ça doit être au Canada, ça doit être à Montréal. Voilà, j'ai trouvé, c'est à Montréal. Donc allez les voir au à Foufoune Montréal. Électrique. Au Foufoune Électrique, tout à fait. C'est un excellent bar avec trois salles, c'est un trois bars superposés. Et puis vous avez, je crois, trois salles de concert à l'intérieur, une petite, une grande, une moyenne. Donc allez au Foufoune Électrique le 26. Acclamé Carcaos. Nous enchaînerons ensuite avec Adrénaline Mob. Rappelez-vous, on vous en a parlé la semaine dernière et surtout on vous en a parlé au moment du décès de Edgy Perro, l'ex-batteur de Twisted Sister. Et donc c'était son groupe et ils sortent quand même un nouvel album. Et nous retrouvons au chant Monsieur Russ Allen. Alors qui est Russ Allen autour de la table? Je fais des interrogations. Ouais, parle dans un micro, c'est mieux. On t'a entendu, mais pas dans un micro. Voilà, quand même. Parle dans un micro. Symphonie X. C'est bien, bien, bravo. Un point, on va voir ce qu'on t'offre. Tu peux déjà, commencer, tu peux, t'as le droit de jeter dans la fontaine. Non, déjà, on a des chips pour toi, c'est déjà pas mal. Hein. Et si t'es sage, on aura peut-être un verre de. On verra. Hein. L'album s'appelle We the People. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle King of the Ring. Nous enchaînerons. Ben non, je vais vous dire aussi quoi d'autre. Je vais vous dire qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire. Non, c'est tout. Hein, c'est tout. Allez, c'est tout. Ils nous viennent de New York quand même et ils se sont formés en 2011. Et nous enchaînerons avec One Last Shot. C'est pas eux qui viennent de New York et qui sont formés en 2011. Quoique, hein, ils viennent de pas très loin. Hein. C'est pas très loin de New York, à quelques centaines de milliers de kilomètres, hein, mais c'est proche, hein, comparé à l'univers, je veux dire. À la nage, hein, ça se fait bien. Comparé au voyage Terre-Lune, moi je trouve que New York-Paris, ça, hein, c'est pas mal. Le groupe s'appelle One Last Shot, ils nous ont sorti un tout nouvel album qui s'appelle Even Cowboys. Allez, je vais te laisser le dire, Even Cowboys. Have some days. J'adore ce qu'il a la bouche pleine et tout, c'est vachement bien. Bon, bah, si eux ils ont le Sundays, nous pas vraiment, hein, pas en ce moment en tout cas. Hier peut-être, mais pas aujourd'hui. Et c'est sorti le 22 avril, hein, donc quasiment dans trois semaines de sortie déjà. Deux petites semaines avec une super release party au Dr Feel Good en acoustique. Avec un pauvre Camille qui était obligé de jouer du tambourin. C'est normal, il est batteur. C'est ça, il faut le martyriser. En tout cas, c'était très bien, c'était très fun. Nous, on a vraiment adoré. Et puis ce soir, je vous passe The Gambler. Pourquoi en ouverture? Bah, pas seulement parce que c'est le titre qui ouvre votre album, mais également parce qu'il y a un clip qui est sorti il y a deux jours. Que vous pouvez voir sur toutes les plateformes, sur YouTube, sur partout. Hein. Sur notre chaîne YouTube, en fait. Sur votre chaîne YouTube, parce qu'il y a la chaîne YouTube de One Last Shot. One Last Shot Official. Official. Oh, attention. Hein. Waouh. Attention, et c'est les gars, ils se la pètent. Hein. Bah, c'est un groupe... Attention. Alors on écoute ça tout de suite, on reparle avec One Last Shot tout de suite après pour avoir tous les dessous, les travers et à l'envers aussi de l'album. On veut tout avoir, tout, vous saurez tout sur le One Last Shot. Musique, c'est parti. Burning. Yourself to get ready. Clench your fist, take a breath. retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock Four Show. Mmh, il est quelle heure, mon cher Tom? Voir si tu suis. Il est l'heure d'aller se coucher. Ah non, attends, on arrive seulement. C'est vrai que cette petite musique. Bah, c'est pour ça que je dis ça, quoi. C'est qu'avec ce genre de musique, t'as envie d'endormir tout le monde. Ouais, je suis mais désolé. Attends, tu vas baiser surtout. Écoute ce riff. Écoute, tiens, mets-le un petit peu plus fort là, écoute ce riff. Ça me fait penser à Metallica, moi, ce riff là. C'est beau. C'est beau, hein. Hein, c'est romantique. On dirait une balade des plus grands américains, tu vois. Et, venant d'un groupe qui est de la porte du sud de l'est de et bah ils sont presque au Texas, presque. Bah merci, c'est presque quand Metallica vient jouer, c'est les États-Unis, hein. Au mois de septembre ils vont y jouer, je crois. Donc première partie, le groupe s'appelle One Last Shot, fait la première partie de Metallica, hein, c'est ouais, ça. La première partie, ouais, ils nous ont appelé hier. Ouais, ils jouent à 6h du matin par contre. Hein. Allez, on a écouté quoi, mon cher Tom, pour commencer? Carcaos suivi de Adrenaline Mob et les deux groupes que l'on reçoit ce soir, One Last Shot. Voilà, qui nous sort enfin son premier album. Alors juste avant, on avait un EP First Gear. On avait reçu le groupe également dans le Rock for Show. Parce qu'on est fidèles, parce qu'on aime, parce que voilà, parce qu'ils sont beaux, ils sentent bon, le sable chaud, enfin bref, ils composent bien. Hein. Plus. Et puis bon, on aime ce genre de musique. Alors, il y en a qui vont dire que c'est du trash stoner, hein, on peut. comme ça c'est très très bien, c'est très large. Bien mélangé. Hein, trash punk stoner, on va dire. C'est comme ça, c'est encore mieux. On ratisse bien large. En tout cas, nous on a été très contents de découvrir cet album, déjà sous sa version acoustique, inédite, hein, parce que c'était quand même la présentation. Spécial. Ouais, c'était vraiment pour la release party en fait. On voulait faire un... pour le fun. Voilà, en fait on voulait faire un truc différent, puisqu'on savait qu'on ferait pas de l'acoustique sur des concerts, mais on s'est dit, bah tiens, pour faire un petit happening sur la release party. Donc, du coup, voilà, on a rajouté, en plus de boire des coups avec les gens, un petit showcase acoustique. Alors en plus, il y a quand même un petit peu de monde, hein, c'était ouais, bien chaud. Tout à fait, ouais. Non, c'était, hein, c'était bien chaud. Ouais, nous, on a feel good, pour être sûr, c'est pas dur. Oui, c'est sûr. Mais voilà, j'ai vu quand même le feel good où il y avait personne. Hein. Donc pour, non, là c'était cool. Là c'était cool, il y avait du monde. Ça chantait, ça frappait dans les mains. Ça aidait grandement notre ami Camille qui se sentait désœuvré sans sa batterie. Ouais, bien qu'il ait quand même fait deux morceaux quand même derrière la batterie quand même. Il n'a pas pu s'en empêcher, ça. Alors ce soir, vous notez bien le numéro de téléphone 06 81 01 28 34 pour nous envoyer un petit SMS, parce qu'il va y avoir une question pour rafler. Alors on va vous faire un package, puisqu'on est comme ça. C'est comme si ça, c'est une fille, tu fais du package. Seulement si c'est une fille, elle nous envoie un SMS. Et sur photo. Une photo de ses seins. Une photo de ses seins, voilà. Je me disais aussi, il y a bien. Ah oui, non mais. Il y a une. Il y a quelque chose quelque part. Je dirais. Bah, alors, une photo de ses seins, elle envoie un SMS au 06 81 01 28 34 en répondant à cette question qui est simple. Quel est le vrai. Alors là, je m'entends plus. Si, oui, non, mais si tu parles trop fort dans le micro, tu satures des fois. Je dis, quel est le vrai métier du batteur de One Last Shot, Camille? Quel est son vrai métier? Voilà, c'est simple. Et là, vous remportez First Gear, donc le premier EP de One Last Shot, et vous remportez le tout dernier album en digipack en plus. Attention, nous on est comme ça, ce soir le groupe est comme ça. Ouais. C'est du digipack, attention. Alors parlons un petit peu de cet album. Combien trouve-t-on de titres sur cet album? Alors l'album il fait 10 titres. Et pas un de plus, mais pas d'introduction. 10 titres, 10 vrais titres. 10 vrais titres, ouais, ouais. Pas d'intro, pas d'outro. Pas d'outro, rien. 10 titres, l'essentiel. Là. Alors on trouve du rock'n'roll. Du rock'n'roll. Du punk, comme tu disais. Du punk. Du stoner. Du stoner. On retrouve aussi un du petit. Du métal. Du métal, bien ouais. Évidemment. Et on retrouve aussi l'humour de One Last Shot, quand même, qui est quand même présent sur cet album. Grandement présent. C'est vrai, un petit interlude mexicain. L'interlude mexicain, tu veux dire, c'est ça, El Mariachi. Je pensais à ça. Ouais, hein, parce que moi, ça m'a bien fait marrer à la release party. Et quand j'ai écouté. Déjà, il est bien foutu en plus sur l'album. Parce que vous l'avez fait quand même. Bon, il y a de l'humour, mais vous l'avez fait sérieusement quand même. On l'a fait très sérieusement. Après, hein, on l'a fait avec humour parce que c'est un second degré. En fait, ça parle d'une façon de faire des cocktails mexicains. Et on s'est inspiré de la musique un peu mexicaine comme ça qu'on entend dans les bureaux de Rodriguez. Quoi. On voulait un peu jouer avec notre image, le côté cowboy. Ça nous faisait rire de mettre ça dans les chansons. C'était un petit peu ça. Ouais, on aime bien l'ambiance un petit peu comme ça. Du coup, on l'a joué franc jeu. Et puis, on a chanté les refrains. Enfin, Sky a chanté les refrains en espagnol. Et puis. Et puis ça, et ça donne cette chanson à voilà, Mariachi. Voilà, c'était l'idée de faire un truc un peu léger. Après, on fait pas du ultra vomite, quoi. Tu vois. Ouais, donc, c'est pas de la parodie. C'est vraiment bah, un peu comme peut faire Rammstein des fois sur certains titres, quoi. Se dire, bah voilà, ça on fait un du truc. Ça fait un peu du Bagdad Rodeo, quoi. On fait un truc, voilà, qui ressemble un peu, qui colle avec notre style, mais qui est un peu plus léger que d'autres titres. Qui avait un peu de recul, et puis qui était un hommage aussi, voilà. Alors, hommage à. Il y a pas que ça comme hommage. Vous avez fait aussi, on peut le voir, un hommage à Lemmy, quand même, qui vous a. Enfin, vous aimez aussi ce. Tout à fait, ouais. Cet homme, ça fait partie de nos influences. Cette légende. Alors, c'est sur Join the Club. Non, c'est plutôt It's All About Speed. Ouais. Si tu veux parler enfin, l'hommage. Enfin, le vrai hommage. La chanson qui nous fait parler, ouais, qui nous ressemble plus à Motorhead, c'est It's All About Speed. Parce qu'au niveau des tempos, au niveau des riffs, au niveau, c'est une chanson qui est très courte. Je crois pas qu'elle dure même pas 3 minutes ou à peu près. Oui, peut-être. Et ça s'enchaîne, couplet, refrain, à rythme à 230, 240 BPM. C'est le côté un peu speed qu'on aime bien. Et Motorhead direct, était comme ça. Sweat your face, quoi. Et Join the Club, ouais, c'est plus sur les motos, sur les bikers, les choses comme ça. Ouais. Ouais, sur l'univers des clubs, sur l'univers des MC, les clubs de bikers et tout. Et puis on fait de la moto aussi de temps en temps. On n'est pas dans des clubs, mais on aime bien l'univers. Et puis on roule aussi en deux roues. Alors comment s'est fait l'enregistrement de cet album ? Est-ce que ça a été compliqué puisque vous avez mis quand même du temps entre le EP et cet album aujourd'hui ? Comment s'est fait la construction de l'album ? Est-ce que ça a été compliqué de trouver la ligne directrice de Oui et non, en fait le truc c'est que c'est toujours un peu long, c'est-à-dire qu'un EP ça permet de donner une première image du groupe et puis de nous aussi ça nous permettait de se construire pour faire une rupture avec nos groupes précédents et puis voilà quoi, trouver une osmose, donc ça donnait un chemin. Et ben, comme je pense après pour tous les groupes c'est un peu le cas, le premier album il représente toujours un côté un peu plus diversifié, c'est le moment où tu commences un peu à constituer toutes les influences. Donc, style, ouais. On a pris en fait le temps de bien mûrir les morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux sur lesquels on est revenu et pour trouver un peu plus de cohérence que ce qu'on aurait pu faire sur un premier G, on a un peu fait une V1 et demi. Et donc on a pris surtout du temps pour dire ok, tous ces morceaux là ils nous ressemblent et ça va un peu plus vers ce quoi on veut aller. Et le côté un petit peu gros rock, un peu southern, un peu stoner, digéré par des mecs qui faisaient plutôt du métal à la base, donc c'est un peu le mix des deux quoi. Donc voilà, donc ça a pris un peu de temps pour la composition quoi, j'ai envie de dire ce qui arrive assez souvent pour des démarrages quoi. Et voilà, et après on est rentré en studio l'été dernier pour le coup. Parce que l'été en studio c'est plutôt cool, t'as une bonne ambiance, une bonne chaleur. Ouais, surtout. Surtout un studio. Ouais, c'est ça. Surtout à Nassau, on avait du rhum, on avait tout. C'était vraiment génial. On ne voulait plus rentrer. Non, c'était à Belleville, mais c'est tropical aussi. Et donc en fait, ouais, non, c'était le studio, c'est une super expérience. Mais oui, ce que disait Skytaler est très juste. On a un peu pris de temps par rapport à First Gear parce qu'effectivement, on a vraiment voulu pousser on a été très exigeant envers nous-mêmes sur la cohérence de l'album qu'on voulait donner par rapport au style. Effectivement, ça nous a obligé à retourner sur des morceaux qu'on jouait pourtant depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et de se dire, bah non, mais ce morceau-là, depuis le temps qu'on a mûri, depuis le temps qu'on a l'image du groupe qu'on se fait, bah, il colle pas musicalement, il colle pas sur les riffs ou sur la voix ou sur le solo ou sur les intros, peu importe. Donc du coup, on est obligé de revenir sur notre boulot et on a essayé de faire un truc qui était cohérent. D'où le temps que tu as pu trouver un peu long entre First Gear et l'album, c'est parce qu'on a pris le temps de... Quand on aime, on trouve toujours que le temps est très long lorsqu'on attend. Hein, ouais, par contre, quand on a une chanson... Ouais, oui, c'est créer le désir, faut être frustré un peu de temps en temps. En tout cas, nous, on n'a pas été frustrés très très longtemps, parce que lorsqu'on vous a invité au Paris Metal France Festival, vous avez répondu oui tout de suite. Avec grand plaisir. Hein, nous, ça nous a bien fait kiffer de toute façon. Et on était très très très contents de vous revoir pour la troisième fois. Enfin, on peut même dire quatre fois. Hein, puisque vous avez joué deux fois avec l'ancien groupe, on le rappelle quand même pour tous ceux qui auraient vécu sur une autre planète, One Last Shot est né sur les cendres de The Outburst. Sur le en oui, partie, sur ouais, la suite. À la en suite. Partie. En partie. Suite au split des The Outburst. Ouais. Pour continuer à faire de la musique. Et donc nous ça nous a rassuré un petit peu sur le chemin. Alors au départ je me rappelle quand on a eu des conversations, tu m'en avais dit deux trois mots, je me dis t'inquiète pas Phil, ouais je sais, le groupe du moment que t'aimes bien c'est Volbeat, bah nous c'est ce qu'on va faire, on va chercher. Tu sais, c'était pour me rassurer, me dire nous lâche pas, de toute façon on va faire un truc que tu aimes. Et puis bah voilà, on en arrive à One Last Shot. Ouais. Hein, et c'était vraiment, ça c'était vraiment. Ah oui, ouais, c'est ça. Il a tout pris, il a rien recraché. J'avais été vous voir également. Quand même, il fallait que je me rende compte de ce que ça valait sur scène et de ce qui était devenu en fait One Last Shot. C'était à la Flèche d'Or. Ouais. Avec Charge, il y avait Your Blind, il y avait. Non, il n'y a pas Your Blind. Your Blind, tu penses, parce que c'est. Non, c'est Sin and Death. C'était Sin and Death. Et il y avait un autre groupe. Ouais. Voilà, mais il y avait d'autres groupes quoi, qui étaient avec vous. Your Blind, on va en reparler après parce que il y a une connexion avec nous et Your Blind. Ouais, de toute façon, c'est d'époque également. C'est d'époque, hein. C'est même avec du temps de l'ancien groupe qu'on jouait avec eux. Et, exact, puisque vous avez vu jouer à l'Alternation Au squat de l'Alternation, avec Urblind, exactement. Ouais. Et ça, c'était aussi des très bons souvenirs. Ça, c'était punk. Hein. Alors, oui, c'était très punk. C'était Roots. Ouais, c'était hein. Méga Roots. C'était Méga Roots. Ouais. En tout cas, on en garde des très très bons souvenirs. Et puis, tu vois, quelques années, ça fait au moins une dizaine d'années maintenant. Ça fait plus de 10 ans. Et on en parle encore et ça reste dans les souvenirs. Qui s'est chargé de la production de l'album ? Alors on a travaillé en famille, on aime bien le faire, chez les studios Zoé H en fait, qui sont les studios qui sont sur Paris, hein. Et on a fait ça chez lui, et au Penny Lane Studio, donc au studio Belleville, pour l'enregistrement des guitares, ça a été fait au studio au Penny Lane, mais après toute la partie vraiment enregistrement des chants, des leads, la production de l'album, les idées, tout ça et tout, qui a été la vraie production, c'était faite par Zoé, Zoé Fun H Studio quoi. Alors en tout cas, encore la famille, toujours la famille. Toujours. Ouais. Hein, c'est-à-dire que quand on est fidèle à ses amis, on garde la même équipe. C'est un peu l'idée. On retrouve aussi votre ingénieur du son sur scène, toujours le même. Toujours le même depuis 15 ans maintenant. Ouais. Salut Chouchou. Salut Chouchou. Ouais. Et puis voilà, donc ce qui est intéressant, voilà, c'est de trouver aussi, pareil, votre public a suivi également. Et il y a cette fidélité qui reste aussi bien entre le groupe et son public que le public vers son groupe. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc bravo, déjà. Merci. Hein, voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'avant de continuer cette interview, on écoute un deuxième titre. Ouais. Et il me semble que c'est Join the Club, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on va faire... Oui, c'est ça. C'est ça, hein, on va faire... Vrombir les V-Twin. Et puis, tiens, je le dédicace à Vulcain, le morceau. Hein ? Allez, musique. We'll be right back. retour dans le Rock for Show. Comme d'habitude, ce soir, une soirée où on va s'embrasser, je pense. Entre hommes. Entre hommes. Qui aiment les hommes. Entre poils. Non, celui-là, non, celui-là, c'est mon poil préféré, tu le laisses. C'est quand même dingue, ça. J'y crois pas. Ah. Nous reparlons donc de cet album et surtout du groupe One Last Shot. Even Cowboys Have Sundays. Non, c'est vrai, ça fait. Toi, c'est ce genre de musique, tu vois. T'as envie que le soleil brille, quand même. Hein, hein, c'est une petite tequila. Voilà. Hein, où on prône le soleil, le barbecue, les cocktails. Voilà. C'est ça. Ouais, des thèmes simples, on n'est pas non plus. Non, on a pas hein. réinventé le rock'n'roll. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est, vous êtes, c'est pas dans votre credo, ça. Non. C'est pas trop la face obscure et occulte, nous. On n'est pas sur la face occulte du nazisme. Ouais, faites gaffe. Hein. On va pas récupérer les parts de marché de Mona Lee Scott. un pied est vite glissé, hein. Faut faire gaffe. Hein. On sait jamais, dans le rock'n'roll, tout arrive. Ouais, à qui sait attendre, surtout, à qui sait riffer, surtout. C'est ça. Parlons un petit peu de ce qui va se passer au mois de juin, début juin, de à juin. La Boule Noire. Alors le vendredi, 2, exactement. Le vendredi 2 juin, à partir de 19h, 19h tout à fait. Le concert donc avec One Last Shot, avec les amis et très talentueux Frantic Machine qui ouvre le bal, suivi par Hell of a Ride, par Flayed, ouais, qui vient de Lyon. C'est qui vient de Lyon. Ouais, un bon groupe de Rhône-Alpes qui est très stoner. Un groupe qu'on a passé dans le Rock for Show, qu'on a bien apprécié. Ils ont sorti un album. Deuxième album. Et puis Hell of a Ride. Donc en fait l'idée voilà ce concert c'était ben voilà pour fêter la sortie de notre album, on avait envie d'organiser ça et donc voilà on a monté une date, on a appelé des groupes de potes et qu'on aimait bien, ouais, histoire de faire une date ben, bien rock'n'roll, bien cohérent, et d'avoir une date cohérente pour que les gens qui viennent à n'importe lequel des groupes puissent apprécier les autres groupes. C'est ça. Histoire d'éviter le truc où tu te fais chier, enfin tu arrives sur un plateau, t'as 5 groupes de styles complètement différents et tu vas du reggae au black metal. Personnellement, ça m'a toujours fait un peu chier quand ça s'appelle Erwan Ça s'appelle Erwan Ganser. Bon, c'est assez mérite pour des tremplins, mais bon, voilà, l'idée c'était de faire un truc où les gens viennent et soient contents de la soirée, globalement. Ouais, vous avez fait un trait sur Erwan Ganser, quoi. Ouais. Ah. Tiens, longtemps, ça, c'est quand on était jeune. Bon, les mecs, il en reste d'autres, je vous rassure. En tout cas, ne crachons pas sur ces choses-là parce que ça nous a. Erwan Ganser, c'était l'époque de Burst, mais pour One Last Shot, pour le Headbang Contest, c'était vraiment super. C'était une expérience géniale. On a rencontré des gens qui étaient vraiment top dans l'organisation et tout. On a joué au Motoculteur sur la main stage. On a vu d'autres groupes qui étaient cool. Et on a vu des groupes comme Heart Attack ou quoi qui étaient vraiment des bons groupes. Est-ce que vous avez gagné le. On est arrivé deuxième. Justement, Heart Attack ont gagné devant nous. Mais ça nous a permis de faire le Motoculteur. Découvrir Heart Attack était vraiment une grosse machine et ces tremplins là sont vraiment des bonnes, je pense que c'est ça fonctionne hein, ces genres de tremplins ça hein, fonctionne ouais, mais après quand tu marches ou tu marches pas quoi, voilà, ouais, mais quand c'est le vote du public ou le jury, enfin quand c'est quelque chose d'assez impartial, je trouve que c'est bien. Et vous demandiez si ça existe toujours, oui ça existe toujours et c'est Old Sullivan Backstage Benjamin. D'accord. Donc voilà, mais donc là l'idée c'était plutôt de faire un concert pour fêter l'album et donc du coup on va jouer intégralement l'album, ouais, les 10 titres voilà, c'était l'idée quoi pour fêter dans, ça. Donc, dans un venez nombreux. Tout à fait, avec quelques petites subtilités, mais on va suivre un peu. Ah, c'est pour voir si vous, si les gens qui viennent connaissent l'album ou pas. Voilà. On va faire dans un ordre particulier à eux de voir si. En tout cas, pour connaître cet album, vous pouvez en rafler un exemplaire ce soir au 06 81 01 28 34. On vous rappelle la question. Déjà, il faut que ça soit une fille qui nous envoie un texto. Avec une photo. Avec une photo de sa charmante poitrine. Alors, on n'a pas dit qu'elle devait être dénudée, mais. Voilà, on va rester dans le rock'n'roll. Dans le rock'n'roll. Enfin, si elle est dénudée, qu'elle ne se prive pas. Hein, je veux dire, on sera pas contre. Ça restera entre nous. La question, c'est quel est le vrai métier de Camille, batteur de One Last Shot. One Last Shot. Alors, il s'appelle Camille, alors vous verrez un peu sur Facebook. Camille Verlin. Alors attention, juste une chose. Ouais. Ce n'est pas la même question que quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Exact. Hein, non, attention. Non. Ouais, c'est pas aussi vous pouvez répéter la question. Il y a un vrai métier derrière le. Oui, et c'est pas batteur. C'est pas batteur. Et c'est pas batteur. C'est pas son métier. Hein. Quoi qu'il peut aussi battre. Hein. Il peut battre les œufs en neige. Ah, ça, je pense que ça peut faire mal. Et pas que les œufs en neige. Exact, il peut battre aussi les tapis. Quel a été le rôle de chaque musicien? Est-ce que ça a été une composition à la collégiale avec tout le monde de groupe, ou est-ce que les compos sont venus de certaines personnes en particulier? C'est plutôt collégial, c'est-à-dire que la plupart des morceaux arrivent plutôt des guitaristes et en général de Shelby sur les riffs, les premiers riffs pour donner une orientation. Et après on travaille, on répète, on retravaille les morceaux ensemble, en ajustant, en proposant d'autres idées, en rejetant certaines, en créant sur place ou en se disant qu'on revoit la prochaine fois. Très bien, voilà, donc on travaille globalement et jusqu'au chant qui marche aussi pareil, où je fais des maquettes chants que je leur propose, qu'on teste et sur lesquels ils peuvent me dire ah ça c'est bien ou ça c'est nul à chier. Ouais. Et voilà. Du coup, alors, ça permet d'avancer. Parfois ils disent c'est nul à chier. Complètement. Ah. Ouais. Mais je te rassure, dans mes riffs aussi, des voilà, on est, on a un mode de fonctionnement assez ouvert et assez direct, donc ouais. On n'hésite pas à se remettre en cause quoi. Bon. J'ai ramené une dérive de donc des fois ça peut être un peu long, des fois ça marche direct, il y a des morceaux qu'on a composés super vite quoi, ouais, en quelques sessions, et puis il y en a tu mets du temps parce que t'arrives pas à trouver le morceau. Non, on a chié 5 mois dessus quoi, il y en a certains effectivement, c'est des tu rejettes tout à la fin. En 3 répètes tu fais des morceaux, et certains ouais, ça nous a pris. Les joies de la composition. Ouais, c'est ça. En tout cas, on en a parlé hors antenne, donc pas de secret avec ça. Les 10 titres qui sont sur cet album sont 10 titres qui vous conviennent mais à 100%, complètement, qui vous représentent même à 100%. On a sélectionné pareil. On s'est fait un petit peu chier, se prendre la tête et s'obliger à exclure parce qu'on a enregistré plus que 10 titres en studio. Et quand on sait le temps, l'investissement et tout que ça représente, on sait vraiment, on a décidé avant de les mettre sur l'album. Donc on n'a pas abandonné ça avant le studio. C'est vraiment, on a enregistré plus de titres, on a fait masteriser plus de titres, on a vraiment tout investi dedans. Et puis on s'est retenu autour d'une table, on s'est réuni, on s'est dit bon, bah voilà, on va mettre 10 chansons et puis on va débattre sur lesquelles correspondent le mieux, lesquelles on a envie de faire connaître aux gens, lesquelles on a envie de mettre dans l'album. Quand les gens, comme tu disais tout à l'heure, écoutent l'album de la chanson 1 à la chanson 10, ils ont une cohérence et ils ont une... Donc on a fait cet exercice-là qui est un petit peu compliqué, mais que du coup on apprécie aujourd'hui, parce que quand les retours des gens, enfin, quand les gens font des retours en disant l'album il dure 45 minutes, il est bien, il n'est pas lassant ou quoi, on récolte un petit peu ce qu'on a essayé de semer. Bah, nous dès qu'on l'a eu, donc la sortie de la release party, c'est ce que j'ai mis dès que je suis rentré à la maison pour parce que j'avais eu le petit aperçu acoustique, mais je me suis dit bon, on est électrique. Bon, dès The Gambler, le premier titre qu'on vous a passé ce soir, oui. ça claque. Hein. Et puis on a envie d'écouter la suite. Et quand je suis arrivé à la fin, je dis merde, il est déjà fini. Ouais. Et quand, en général, quand on se dit merde, il est déjà fini, c'est que là, c'est bon signe. C'est qu'elle vous a plu. Ouais. Ouais, et on a envie de le remettre. Et franchement, c'est un album qui a tourné déjà le temps de le découvrir, de l'étudier un petit peu. Et puis, au bureau, je le mets au moins une fois par semaine. Ah, c'est cool. Merci. Donc, pour faire découvrir aussi à mes collègues de bureau. C'est bien ça. Je conseille à tous les auditeurs la même pratique. Ouais. Voilà, donc on vous rappelle quand même la question pour rafler cet album de One Last Shot qui s'appelle Human Cowboys Have Sundays. 06 81 01 28 34, quel est le vrai métier du batteur de One Last Shot? Blanc. Hein, c'est blanc, c'est ça? Parlons un petit peu, tout à l'heure on parlait des connexions avec un groupe qu'on aime beaucoup qui est venu jouer également au Paris Metal France Festival. Oui. Le groupe s'appelle Your Blind. Oui. Parle-nous un petit peu de ces connexions avec One Last. On leur a volé leur guitariste. Ouais, bien fait pour leur gueule. Non, mais comme, parce qu'il y a eu du mouvement en plus chez One Last. Ouais, c'est One Last. On a eu donc Scarcy, le guitariste, qui a quitté le groupe au mois de février-mars à peu près. Ce qui fait qu'à la release party au Feel Good, on a fait l'acoustique sans lui et qu'on a préparé. C'est rien. Il y a une sirène, il nous a repéré. Le truc, c'est que le temps que j'avais fermé cette putain de fenêtre, ils seront partis. Ça rajoute un côté rock'n'roll. Alors, du coup, oui, donc guitariste qui a quitté le groupe. Donc, on s'est retrouvé sans guitariste, second guitariste pour avoir la date de la boule noire. Et donc naturellement, on s'est rapproché de notre ami Mike, qui était dans Your Blind, enfin qui est dans Your Blind d'ailleurs, qui joue d'ailleurs le jeudi dans les soirées Rise au Palladium. On l'a demandé, et puis il était très intéressé, et nous aussi réciproquement, bien évidemment. Donc vous pourrez le voir au concert vendredi 2 juin à la Boulogne. Voilà, encore des amis. Hein. Voilà, encore des amis. C'est toujours une famille, comme je t'ai dit, on travaille tout le temps, il y aura les mêmes photographes, les mêmes ingé-sons, les mêmes potes. Et on aime être dans un environnement comme ça, avec des potes partout, et c'est comme ça que ça se passe toujours bien d'ailleurs. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de continuer à faire de la musique, puisque vous avez connu un petit peu, je dirais pas l'âge d'or, mais au moment où, avec The Outburst, où c'était. J'ai l'impression Moi, c'est ce que j'ai comme impression, que c'était plus facile. Est-ce que c'est une impression que vous partagez ou aujourd'hui, c'est comme avant, il n'y a rien qu'à changer ou... Ça dépend du niveau, je pense. Effectivement, c'était peut-être un peu plus facile quand tu démarres un groupe, des groupes, on va dire, semi-amateurs ou amateurs, quand tu démarres, de trouver quelques scènes sur Paris. En tout cas, je parle sur Paris, parce que je sais pas comment ça se passe en province, mais en l'occurrence, nous, à l'époque, c'était un peu plus facile. Ouais. Les salles étaient plus accessibles. Et c'est vrai que maintenant, tu n'as pas les concerts toutes les semaines non plus, parce qu'après tu laisses les gens, mais après ça a continué comme ça fait sur tous les secteurs de la musique. Donc maintenant les salles sont plus chères, plus difficiles d'accès. Tu peux toujours faire quelques tremplins, mais sur cet aspect-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile. Après ça a changé, l'époque a changé, t'as plus de numérique, donc tu fais les choses un peu différemment. Quoi. Mais, je pense pas que ce soit beaucoup plus difficile. Après moi je trouve juste qu'effectivement je me souviens à l'époque on tournait beaucoup, on jouait beaucoup avec toi, on a fait quand même des paquets de péniches et alternats, des choses comme ça, et je trouve qu'il y avait quelques scènes qui étaient quand même accessibles pour peu d'argent alors qu'elles étaient un peu rousses, mais qui étaient très bien en termes de je trouve qu'aujourd'hui, que ce soit après la loco, que ce soit disons en marque le machin, les grosses salles déjà elles sont un peu fermées, enfin en tout cas elles ont un peu réduit leur publication de concert, et sur les petites salles j'ai l'impression qu'à l'époque c'était quand même plus simple d'avoir les salles faciles. Là, la Flèche d'Or par exemple tout à l'heure elle a fermé là maintenant, c'est un peu de j'ai l'impression que les salles de concert, au fur et à mesure, quand même, ça ferme un petit peu pour des nightclubs, pour des pubs, des choses comme ça. Bah disons qu'aujourd'hui. Sur Paris, en tout cas, moi je connais que Paris. Hein, le public, depuis, on va dire, 2-3 ans, se raréfie de plus en plus au concert. Et donc, les salles essayent de trouver une parade et de gagner de rentabiliser le plus possible. C'est donc, outre le fait de faire un concert, ils organisent aussi une deuxième soirée derrière. C'est ça. Qui n'a rien à voir avec la première. Ce qui était le cas de la scène Bastille à l'époque, je me souviens qu'on mettait beaucoup les pieds dans cette salle-là. Et c'est vrai qu'à 11h, ils passent en mode nightclub. Et c'est vrai qu'on constate que. Sauf qu'aujourd'hui, il y avait quelques salles qui faisaient ça auparavant. Aujourd'hui, c'est la norme. C'est généralisé. Sur Paris. Paris, c'est comme ça. Donc, faut sortir un petit peu de Paris si on veut trouver des salles. Province ou en banlieue. Et le problème, c'est que le public, passé le périph, ils ont du mal à se déplacer. Aller à restaurant. Je dis, oh, il y a d'autres salles. Il y a le bar d'Atomique. Il y a les cuisines. Il y a les cuisines. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il y en a pas. Il y a pas mal de. Je sais pas si elle existe encore. Si, l'usine à chapeau, ça existe encore. Donc, il y a encore quand même. L'empreinte à Savigny aussi. Voilà, il y a encore quelques très belles salles en dehors de Paris et il faut se déplacer, il faut y aller. Je pense que c'est notre travail du coup de motiver les gens. Donc je pense que ça donne un challenge supplémentaire de dire quand les gens viennent, il faut que tu aies un spectacle, un bon spectacle, quoi. C'est-à-dire que le son doit être correct, la salle doit être correcte, le groupe doit être correct. Donc voilà, il y a peut-être plus de challenge qu'avant, peut-être que les gens sont plus exigeants ou qu'ils ont plus la flemme de se déplacer, donc quand ils se déplacent, ils en veulent pour leur argent. Quoi. Nous allons revenir maintenant sur le clip, The Gambler, puisque ça c'est quand même tout frais, l'album est un peu plus vieux maintenant, on va dire, d'une semaine. Avril, Et on va parler de ce clip. Comment avez-vous, qui déjà a réalisé le clip, comment est venue cette idée? En fait, vous avez filmé une répète là. Fait on a filmé au studio, parce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait profiter d'être au Penny Lane pour dire au moins qu'on ait un premier témoignage de ce qu'on a fait, parce que c'était vraiment une bonne expérience, on s'est bien marré, on a adoré travailler avec Najo qui nous a fait les prises de son et qu'on connaissait depuis un moment. Et l'idée c'était de formaliser ça un peu en disant on peut peut-être tourner. Donc on a tourné ça avec des potes encore une fois. Et c'est Cédric qui a fait la réalisation, qui jouait dans Cinedes. Qu'on connaissait pareil, donc c'est lui qui a fait le montage et la réalisation. Et l'idée c'était vraiment de faire pas un clip ambitieux, mais de se dire voilà la première sortie pour montrer un peu, pour fêter le début de l'album, comment on l'a fait et tout ça, de filmer dans le studio en fait où on a fait un témoignage de ce qu'on a fait. Quoi. Et on s'est pas donné rendez-vous 6 mois dans le studio, c'est-à-dire que c'était vraiment le dernier soir du studio, on avait fait plusieurs jours de studio et le dernier soir des prises de guitare. Après il était 18h, on s'est filé en quart et on a enchaîné avec les clips derrière. Quoi. C'était vraiment le studio et on a enregistré les prises et tout. Enfin, c'était un truc, c'était pas monté, c'était vraiment dans le studio. Et... En tout cas, il est très dynamique. Mais... Ouais. Hein ouais. Comme le morceau d'ailleurs, The Gambler, qui est vraiment très dynamique et qui introduit bien cet album. Oui. Donc découvrez-le. Découvrez-le sur la chaîne YouTube de One Last Shot. Sur YouTube, sur la chaîne One Last Shot Official. Official. Bien alors par contre, il n'y a pas encore l'URL, il ne s'appelle pas One Last Shot Official, mais si vous tapez One Last Shot Official dans la barre de YouTube, vous allez tomber dessus. Tu le trouves sur notre site. Et sachant qu'après, en termes de plateforme numérique, vous nous trouvez sur tout ce qui existe aujourd'hui. Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, sur Bandcamp, on est aussi sur Clubhouse. très bien, site français avec une très bonne qualité audio. Sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes digitales, numériques, françaises. Pas d'excuses pour pas écouter. On va passer un petit clin d'œil à Ellie Promotion, puisque c'est elle qui s'occupe, enfin c'est son équipe qui s'occupe de la promotion de l'album. Yes. Oui. Hein, on travaille avec elle. Voilà, donc ça c'est une amie. Hein. Et parlez-nous un petit peu de comment s'est fait la rencontre, comment vous en êtes venus à travailler ensemble. Ça c'est Sky. Ça. Et ben en fait avec la préparation, en gros préparation d'un album, il y a plusieurs aspects effectivement, la partie studio, mais une fois que tu as enregistré, tu vas te demander comment tu vas le sortir. Donc on a réfléchi pour voir avec qui on pouvait travailler pour la partie presse. Et voilà, donc on s'est un peu renseigné, on a passé 2-3 coups de fil, on a demandé aux gens et on a comparé un petit peu, puis on a discuté donc avec Ellie Promotion. Et voilà, puis ça s'est bien passé, le courant est bien passé, on avait un côté amour de la scène alternative qui nous a plu, on s'est dit bah voilà, il y a moyen de travailler ensemble, ça devrait le faire. Et puis en plus, comme elle s'occupait également de Frantic Machine, qu'on aimait bien et qui était dans le même style aussi. Ouais. Et du MF Crew. Du coup on s'est dit bah voilà, ça peut coller, ça fait une petite écurie sympa, ça fera des gens avec qui on pourra boire des bières. À défaut de jouer. Et puis encore une fois, on aimait ce côté un petit peu famille, on l'était avant chez Pension Adome, c'était chez David, qui était différent comme structure, qui est une très bonne structure qui marche très bien, mais qui est un peu plus grosse, et on a essayé de faire un truc pour nous travailler avec des potes. On a essayé de voir avec les promotions cette petite entreprise qui n'empêche pas qu'elle soit sérieuse, mais si tu veux, qui donnait un côté plus. Voilà, puis plus proche pour nous, et puis on a voulu tenter le coup, quoi. Et voilà, et donc du coup après, donc c'est ce qu'on avait prévu, on a discuté avec elle, et puis on a attendu, du coup on a fait un crowdfunding pour financer la sortie, que ce soit la sortie du Digipack, le pressage et la partie attachée presse. Et donc voilà, et comme ça a marché, on s'est demandé soit on achetait une villa avec piscine, soit on signait avec Ellie Promotion, et du coup on a signé avec Ellie Promotion. Enfin là on avait l'abri de jardin. Enfin, soit on a acheté l'abri de jardin pour la villa avec piscine, avec le crowdfunding. Alors au passage, je remercie énormément tous les contributeurs qui ont donné, parce que c'était super de leur part. On a levé 2 400 € quand même, en proposant des t-shirts, des CD, des choses comme ça. Et donc les gens ont joué le jeu, ils nous ont aidés, ça nous a permis de travailler avec Ellie Promotion. Et puis, très bien. Où trouve-t-on cet album? À part dans toutes les bonnes crèmeries, bien sûr. Mais sinon, où peut-on le trouver? Est-ce que vous le... Vous chez Momo. Dans la cave à Momo. On a fait une sortie digitale, principalement. Donc le 22, c'est une sortie digitale. Donc il est dispo sur à peu près toutes les plateformes. Enfin, tout à l'heure, toutes les plateformes. Grosso modo, 250 plateformes. Mm-hmm. Du coup, internationales. Et après, nous, après les gens peuvent aussi on peut le trouver en concert ou le contacter directement. Sur Bandcamp, ils peuvent l'acheter. Bandcamp, on va le rajouter. Sur Bandcamp, on va le rajouter en version Digipack. Vous pouvez l'acheter sur Bandcamp. Après, on le vend évidemment, on l'a vendu à la release. Si vous êtes sur Paris, si vous venez voir le 2 juin à la Boule Noire, on le vendra bien évidemment au merchandising du groupe. Et après, sur Bandcamp, on l'envoie aussi en province et tout. On a une distribution numérique et puis physique qu'on assure nous-mêmes. Très bien, en tout cas on vous remercie beaucoup pour cet album. Bah, c'est nous. Heaven Cowboys. Juste une question, vous avez envie de vous exporter ou pas? Au niveau hors Paris, parce que vous parlez beaucoup de Paris. Bien sûr. Bien sûr. La possibilité, oui, non. Complètement, oui, on cherche, c'est-à-dire qu'on a... C'est compliqué, quoi. C'est surtout que c'est compliqué, on a contacté plusieurs salles dans toute la France, mais comme en fait, comme tous les petits groupes, enfin un groupe qui ne sont pas encore connus de façon... importante, t'as des salles qui peuvent être intéressées. Enfin, j'ai eu plusieurs retours positifs, mais bon, déjà on les a contactés avant la sortie de l'album, donc les choses peuvent changer une fois que t'as un album par rapport à juste un EP. Et donc voilà, et après, les salles de province, ils ont le même problème que les salles parisiennes, c'est que c'est bien de faire venir des groupes, mais tu vas faire venir un groupe d'ailleurs avec le défraiement, ça coûte un peu cher, puis voilà, donc il faut qu'ils trouvent leur public. Donc nous on est ouvert bien sûr à jouer partout en France, en Belgique et à s'exporter, mais avant l'album c'était un peu compliqué. Je pense que maintenant les chroniques, si elles continuent à être bonnes, je pense que ça pourra déclencher, ça pourra aider. Donc du coup trouver des opportunités de jouer. Non, nous justement on a hâte de sortir de Paris. Très bien, on vous remercie beaucoup. On va écouter un dernier titre. Tu fous à la porte, reste là jusqu'à la fin. Bien entendu. Si vous nous donnez leurs avis, parce que nous, on a eu les avis sur les autres groupes précédents hors antenne. Hein. Ouais, ça c'est à chier, ça c'est pas bien. Ça, alors, c'est Fourchaud, il passe toujours de la même merde. On a dû dire, c'est de la merde. Un jour, on diffusera le off. Oui, un jour, on enregistrera l'émission off. C'est de la pure merde. Ça a déjà été fait, je dois avoir quelque chose. C'est de la pure merde, t'as oublié de dire. Oui, pure merde. C'était de la pure merde, ouais, c'est ça qu'on a dû dire. À part One Last Shot. À part One Last Shot, bien sûr. Allez, on... On va écouter donc un peut-être dernier titre. Si on a le temps, on en diffusera un autre. Mais ça, c'est si vous êtes sage. Et si vous nous le demandez à foison au 06 81 01 28 34. En tout cas, là, on va écouter All About Speed. On en a parlé tout à l'heure. Oui. It's All About Speed. It's All About Speed. Yes. Tiré de ce magnifique album Digipack. Il y a juste une question. Ils sont pas en autoprod. Mais tu me laisses finir. Non, ils sont pas en autoprod. Oui, effectivement. Non, ils sont pas en autoprod, bien c'est entendu. C'est pas très grave, c'est, on est sur DFF Records, mais c'est pas très grave. Excuse-moi, je te laisse pas finir parce que tu parles autoprod et c'est plus d'autoprod. Oui, mais je l'ai pas dit. À les auditeurs qui n'ont pas le conducteur sous les yeux ne voient pas qu'il y a marqué autoprod. Voilà. On précise qu'on est chez DFF Records, voilà. Par contre, l'album s'appelle Events Cowboy Have Sundays. Ça, c'est marqué partout. Et c'est marqué surtout sur l'album. Et vous pourrez le trouver si vous vous rendez le 2 juin à La Boule Noire à partir de 19h pour venir les applaudir avec Frantic Machine, Hell of a Ride et Flayed. Et Flayed. Donc ne les ratez pas. Et surtout, vous pouvez toujours gagner un exemplaire de cet album au 06 81 01 28 34. On vous rappelle la question. Photo. Il faut une photo. Si vous êtes une charmante demoiselle de votre poitrine, avantageuse poitrine. Mais si vous êtes un mec, vous pouvez aussi l'envoyer. Hein, une photo de votre poitrine. Ouais. De votre poitrine, on prend aussi. Et il faut répondre juste à cette question. Quel est le vrai métier de Camille, le batteur Camille de Verlin. One Last Shot. On envoie tout de suite It's All About Speed. Chris, t'es pas obligé de participer. Fits, running a race out of bomb. Shot qui sont avec nous. Vous êtes là, les gars? Ouais. Ils sont là. Ils sont là. Shelby et Sky, chant et... non, et guitare. Guitare, cœur et chant. Voilà. Yeah, baby. Guitare de cœur. Guitare de cœur, ouais. Cœur de guitare. Ça, ça vous va bien, tiens, faudra faire une reprise un jour. Exact. Sachez que ce que l'on entend en fond sonore, le groupe s'appelle Riverside. Ils font du prog, bien évidemment. Ils seront en concert le 17 mai à Paris, au Divan du Monde. Ne les ratez pas. On va passer à la suite de la programmation avec des groupes velus, hein, des groupes français. Enfin, il y a un groupe français, deux groupes français, deux groupes français, je crois. On va commencer avec Lurking et sa charmante chanteuse de comment ça s'appelle déjà, Delora. Tiré de leur premier album en autoprod sorti en 2013, et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle The Wreck. Leur premier album était composé de 9 titres. Ils sont parisiens. C'est un quintet trash death à voix féminine, bien évidemment, formé en 2007. Et ils seront en release party, en concert, au Dr Feelgood, mon cher Tom. Oui, on cherche la date. Ah, tu la cherches. Je te disais, je pensais de l'avoir, mais... Bah, si tu vas sur le Facebook de Lurking, normalement, elle y est, la date, puisque... Voilà, je te laisse chercher pendant ce temps-là. Je vais continuer de parler des autres groupes. Alors, on soutient et on a envoyé quelques groupes là-bas sur une manifestation qui aura lieu au Hellfest, mais ce sera l'avant Hellfest. Ça s'appelle les Hell Session by Presson Live. Alors, c'est fait par Cronenbourg, je crois. Qui organise un tremplin ou qui organise plusieurs petits concerts et ça dure 3 jours. Je crois que c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et c'est sur le parking du Leclerc. Et donc vous pourrez retrouver, je crois qu'il y a une dizaine de groupes à peu près, dont Dead Season, dont on va vous passer un titre tiré de leur tout dernier album qui s'appelle Prophecies. Le titre c'est Mind Entertainment. C'est sorti chez Dissonance Music le 5 mai dernier. L'album fait 12 titres. Ils sont influencés par des groupes comme Nevermore, Martyr, Shining, Carcass également et Testament. Voilà. Donc eux, ils joueront. Je sais plus où ils joueront sur cette scène. Et ce sera donc le mercredi 14 à 17h. Et c'est la scène Pression Live. Nous continuerons avec un autre groupe qui jouera également sur cette scène. En avant groupe de Duel Fest, ça s'appelle The Toys, T-A-W-S. Le titre que je vous propose c'est United, et c'est tiré de leur album Beyond the Pass, sorti chez MEO Music en avril 2017. C'était leur premier album. C'est un quintet de rock alternatif à voix féminine, encore une fois. Oui, je sais, j'aime beaucoup les voix féminines. C'est pour les fans de Paramore et de A Day to Remember. Donc ça, c'est, voilà, on est un petit peu dans quelque chose de différent. Et ça fait toujours partie des Hell Sessions. Et eux, par contre, ils joueront le jeudi jeudi 15, à 17h30. Mon cher Tom, as-tu trouvé ? Oui, samedi soir, 6€ avec un shot offert. Avec un shot offert au Dr. Phil. À 20h. À 20h. Et le deuxième Phil groupe qui joue avec eux, est-ce que tu as trouvé ? Voilà. Non, je t'en demande beaucoup. Hein, oui, j'ai pas pris l'info en même temps. Là. Bon, bah c'est pas grave. Je suis parti. Là. Je n'ai fait que passer là-bas pour voir. Alors, on vous laisse en découverte musicale avec Lurking, suivi de Dead Season. Et on continuera avec The Toys. Et on se retrouve tout de suite après. Et on attend toujours la photo. Mais on attend toujours la photo. 06 81 01 28 34 musique. super, de la purée Roquefort. J'adore le mec qui dit balance la purée, les micros ils sont ouverts. Ah, ça va toi tu. Ouais. Tabernacle. Alors Tabernacle, qu'est-ce qu'on a écouté? On a écouté Lurking, on a écouté Dead Season et on a terminé avec The Tolls. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est nos petits chouchous, un petit peu comme était The Outburst à l'époque. C'est parce qu'il faut renouveler aussi, hein. Et ben c'est les Freaky Time qui étaient présents également. Évidemment, les mecs, vous faisiez vieux quoi, merde. Ah bah maintenant, ils ont remarqué un truc. C'est quand même que à chaque fois que je m'intéresse à un groupe, il y a une nana dedans. Là, il y en a deux. Là, il y a deux nanas. Il y a une bassiste et une chanteuse. Sinon, faut pas. Hein. Dans Freaky Time, voilà. Ah donc ouais, quand ils vont. Je crois qu'ils parlaient de nous, je comprenais pas. Non, vous, il y a que Camille. Notre bassiste, elle est quand même costaud pour une bassiste. C'est une nageuse allemande. Complètement. En tout cas, Freaky Time sera également présent au Hell Session après avoir fait le Paris Metal France Festival le dimanche. Donc, on vous rappelle, les Hell Sessions, c'est ce qui ouvrira le Hellfest, mais ce sera par contre sur le parking du Leclerc. Mais avec une vraie sono, une vraie scène, avec voilà, des belles choses. Et ce sera le jeudi 15 juin à 13h30 pour les Freaky Time. Et ce que vous entendez en fond sonore, c'est Glory Hall, tiré de leur premier EP. Et on attend l'album avec impatience et de pouvoir les recevoir à nouveau dans le Roquefort Show. Nous allons terminer avec Deity, qui vient de sortir son nouvel album, enfin qui sortira son nouvel album le 2 juin. Et le 2 juin, qu'est-ce qu'il y a le 2 juin? Le 2 juin, il y a un truc exceptionnel. Putain de concert rock'n'roll! Qui se déroulera à la Boule Noire. Exact. Prenez vos places dès maintenant. Ah, je crois que c'est une soirée piscine. Ouais. Alors, blague à part, les places, vous pouvez prendre les préventes à la Fnac et sur Digitik ou auprès des 4 groupes qui ont également des préventes. Comme ça, c'est. Qui sont One Last Shot, Hell of a Ride, Flayed et Frantic Machine. Groupe qui était aussi au Paris Metal France Festival. Et oui. Ah ouais. Comme tous les bons groupes. Comme tous les bons groupes. C'est pas faux, c'est pas faux. Puis il y en a d'autres qui faisaient la queue, hein, donc c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils ont pas réussi à doubler. C'est ça, ça le truc. C'est ça, c'est les bons et les resquilleurs quand on met à le festival. Il y a ça aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien, si le 3. Le 3, il y a aussi un concert de Score qui tribute à Metallica. Le 3, ce sera au Pacific Rock. Voilà, mon cher Chris, l'annonce est passée. Donc nous allons continuer en musique avec Deity, tiré de leur album qui s'appelle Deity, et le morceau c'est Rituals. C'est une autoprod qui sortira donc le 2 juin, c'est un groupe américain qui nous vient de Houston, Texas bien entendu. Texas. C'est un groupe de death metal, c'est leur premier album, il fait 8 titres. Nous enchaînerons ensuite avec Offermode. Attention, on finit avec du velule ce soir. Hein. Et ce sera le dernier titre. Enfin. Et ce sera le dernier titre, c'est El Era, tiré de leur album Sol Nox. Sorti chez Shadow Records le 29 mai. Ils nous viennent de Suède. C'est un trio de black metal. C'est leur troisième album. Il contient 7 titres. On en voit tout de suite la musique. On se retrouve pour se dire au revoir. C'est sûr que rien, parce qu'il y a que 2 titres et c'est fini. Hein. Et alors on dit au revoir maintenant? Bah voilà. Bon. Je pense que c'est mieux. Alors les One Last Shot, on écoute de la musique, on écoute du death metal pour finir. Ça vous plaît? Yeah, ça bourrine, c'est cool. C'est une émission de métal. En tout cas, c'était rock, c'était fort, c'était chaud, c'était le Rock for Show.